j'attendais depuis la fin du jour. C'est ton amour que je voulais depuis la fin de l'amour. J'irai tant de jours à ta recherche. C'est ton amour que j'attendais. Puis il a à fin du jour. C'est un amour que je voulais. Puis il a fin de l'amour. J'attendais depuis la fin du jour. C'est toi mon amour que je voulais depuis la fin de l'heure.